Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'est l'histoire vraie d'un vaisseau fantôme. Une histoire abracadabrantesque, pour reprendre un célèbre adjectif présidentiel. Au cours de l'été 2009, l'Arctic Sea, un cargo battant pavillon maltais, mais appartenant à un armateur russe, aurait subi deux attaques de pirates après son départ de Finlande avant de disparaître des écrans radars au large du golfe de Gascogne. Aussitôt, les forces de l'OTAN sont placées en état d'alerte. Puis, une véritable armada de bâtiments de la marine russe s'étant mise à ses trousses, l'Arctic Sea est retrouvé et intercepté près des îles du Cap-Vert. Quelques membres de son équipage et des pirates du deuxième commando de pirates ont alors été transférés en grand secret à Moscou, où ils ont été jugés puis libérés, sauf les pirates, après avoir juré de garder le silence sur leur aventure. Il faudrait aussi ajouter que tout de suite après l'intervention de la marine russe, le président israélien Shimon Peres a éprouvé le besoin de se rendre de toute urgence en Russie pour s'entretenir avec son homologue Dmitri Medvedev. Alors bien sûr, on s'est interrogé sur la nature de la cargaison de ce navire. Que contenaient donc les soutes de l'Arctic Sea pour déclencher une telle mobilisation? Officiellement, le cargo ne transportait que des grumes. Mais officieusement, on a parlé d'armes, de missiles, dernier cri destinés à l'Iran. Et qui était les mystérieux pirates, de banals gangsters ou bien plutôt des membres du service action d'un service secret? Monsieur X raconte cet étonnant polar des mers et livre son interprétation dans un instant. Rendez-vous avec X. Une précision d'abord. L'article 6 était, si j'ose dire, un récidiviste. Mais c'est-à-dire alors... à trois reprises déjà, le cargo avait disparu des écrans radars et échappé aux systèmes internationaux de repérage des navires. Fin avril 2007, alors qu'il naviguait en Méditerranée, puis une nouvelle fois en février 2008 et enfin en avril 2009. Et à chaque fois, alors, on l'avait momentanément perdu. Exactement. Et pendant plusieurs jours. Naturellement, on avait alors soupçonné l'article 6 d'être associé à des opérations clandestines, mais sans pouvoir en dire plus. Ouais. Alors, pour commencer, quelques précisions là, sur ce mystérieux bâtiment. L'article 6, construit en 1991, est un vraquier russe de 4700 tonnes, propriété de la société Arctic Sea Limited, basée à Malte. Depuis juin 2009, c'est-à-dire très peu de temps avant son étrange mésaventure, il est exploité par une compagnie appartenant au groupe finlandais Solchart, qui a été fondé en 1996 par le russe Viktor Matveyev. Ouais, ce sujet russe, là, Matveyev, est donc l'armateur de l'Arctic Sea. C'est ça, mais le cargo est immatriculé à Malte. Oh, ça, c'est sans doute pour des raisons fiscales, hein. Pavillon de complaisance donc. Certainement. Oui. Ouais. Et l'équipage alors ? Le capitaine s'appelle Sergei Saretsky. Il est russe, tout comme ses 14 marins, tous de nationalité russe. Ouais. Soit alors un équipage total de 15 personnes. Hein. En cet été 2009, l'Arctic Sea, après avoir été chargé de bois de siège, pour une valeur $1,5 million, quitte le port finlandais de Jakobstad. Le 23 juillet 2009. Il doit décharger sa cargaison à Béjaïa, en Algérie, le 4 août 2009. Détail intriguant, avant qu'il ne largue les amarres, le cargo est contrôlé par un fonctionnaire de l'autorité finlandaise de sûreté nucléaire. Mais pour quelle raison hein ? Aucune explication ne sera donnée. Et le résultat ? Négatif, selon les Finlandais. Mais si ce contrôle a été effectué, c'est peut-être parce que, avant de charger des grumes à Jakobstad, l'Arctic Sea a longuement fait escale à Kaliningrad. Ouais, c'est l'ex-Königsberg. Hein. Oui, comme vous le savez, c'est une enclave russe sur la mer Baltique. L'Arctic Sea y est resté à quai 3 semaines. Pourquoi ? Officiellement, le cargo doit subir l'inspection annuelle du bureau de classification russe. Mais il doit aussi bénéficier de quelques réparations. L'Arctic Sea restera amarré pendant plusieurs semaines dans le port de Pregol, sur la rivière Prekolia. Mmh. Rien de bien étonnant alors. Pourquoi ces soupçons des Finlandais hein ? C'est que Kaliningrad est notoirement connu pour être une base de transit pour les cargaisons illégales et une plaque tournante pour les ventes d'armes, les ventes illicites, bien sûr. Car cette enclave est fréquentée par les contrebandiers et autres mafieux russes. On dit même que des membres des services secrets y font leurs petites affaires sans même en référer à leur hiérarchie. Donc si je vous entends bien, là, des armes auraient pu être transportées sur l'Arctic Sea à l'occasion de cette longue escale. Et ensuite, les grumes chargées dans le port finlandais auraient permis de donner le change et de dissimuler ces armes disposées dans les soutes du cargo. Toutefois, je vous propose de revenir sur ce point précis un petit peu plus tard. Mais ce contrôle, alors, effectué par la sûreté nucléaire finlandaise ? Eh bien, Helsinki, on a peut-être eu peur que des armes ou des substances nucléaires se trouvent à bord. Il ne faut pas oublier qu'une éventuelle dissémination de l'énorme arsenal nucléaire russe inquiétait de façon permanente de nombreux services secrets dans le monde. Oui, la peur que certains de ces armements tombent entre de mauvaises mains. Bien évidemment, mais enfin passons. Et suivons tous deux le parcours de l'Arctic Sea après son départ du port finlandais de Jakobstad. Peu après, le 24 juillet, en pleine nuit, alors que le navire navigue à peu de distance des côtes suédoises, il est abordé par une embarcation où ont pris place une douzaine d'hommes armés et masqués. Et qui sont-ils ? Ils prétendent être des policiers suédois spécialisés dans la lutte anti-drogue et demandent à contrôler la cargaison de l'Arctic Sea. Précision, ce sont des hommes à la carrure impressionnante, des types qu'on rencontre plutôt dans les services spéciaux que dans les commissariats. Autre détail, ils parlent un anglais parfait. Mmh. Alors, que veulent-ils réellement ? Sans faire preuve de brutalité, ils fouillent le cargo 10 heures durant. Et vraisemblablement, ils prennent des photos. Ensuite, ils quittent le navire sans emporter quoi que ce soit. Et si ce ne sont pas des policiers suédois, qui sont-ils alors ? On verra ça plus tard. Ah bon. Est-ce que l'armateur russe a été averti ? Bien sûr. Et il a ordonné au capitaine de poursuivre sa route. Alors, comme s'il ne s'était rien passé. En effet. Or, d'après les spécialistes, après un tel événement, la procédure normale veut que le commandant déroute son navire vers le port le plus proche afin de le faire expertiser par les autorités. D'autant que, selon certaines sources, si les membres de ce commando n'ont commis aucune brutalité à l'égard de l'équipage, ils auraient saboté quelques équipements. Enfin, poursuivons. Étrangement, si l'armateur a été informé, il n'a pas fait état de l'abordage à une quelconque autorité maritime. Silence, donc. Et lors du passage dans la Manche, le 28 juillet, lors du contrôle radio avec les autorités maritimes britanniques de Douvres, le commandant de l'Arctic Sea, Sergei Zaretsky, ne déclare pas l'incident. Et ce n'est que le lendemain, le 29 juillet, que l'armateur russe Viktor Matveyev rapporte à la police suédoise ce qu'il s'est passé dans la Baltique au large de la Suède. Soit 5 jours après. Et comment réagissent les Suédois? Ils sont catégoriques, ce ne sont pas leurs hommes qui sont montés sur le bateau. Ouais, on s'en doutait déjà un peu. L'Arctic Sea continue sa route. Durant sa traversée de la Manche, le navire continue d'envoyer des signaux automatiques d'identification. Sa vitesse est alors réduite, entre 7 et 8 nœuds. Le 29 juillet, à 6h30 GMT, il est localisé au nord du Cotentin par le Krotjobourg. Quelques heures plus tard, dans la nuit du 29 au 30, il s'identifie au Kroskorsen lors de son passage dans le rail d'Ouessant. Et ensuite, on perd totalement sa trace. Est-ce que ça veut dire que son système d'identification automatique est débranché? On peut l'imaginer, encore que... Que voulez-vous dire? Ce système... L'AIS, qui est embarqué sur chaque navire, doit permettre de le localiser en temps réel par satellite. Or, fait curieux, un journaliste russe, Mikhail Votenko, affirme avoir pu simplement, grâce à Internet, continuer à suivre l'évolution du navire pendant quelques heures après que celui-ci a été déclaré disparu. Donc le système n'aurait pas été vraiment débranché. C'est ce qu'on peut en conclure. Mais je vous reparlerai de ce journaliste un peu trop curieux. La suite n'est pas moins étrange. D'après ce que l'on a appris par la suite, alors que l'Arctic Sea se trouve au large du golfe de Gascogne, ou peut-être même le long des côtes du Portugal, un deuxième commando aborde le cargo. Il est composé de 8 marins baltes. Alors, même question que précédemment, que veulent-ils? Ce n'est pas très clair. D'après l'armateur russe qui va alerter les autorités finlandaises, ce commando a pris le contrôle du cargo et exige une rançon d'1,5 million d'euros. Oui, c'est la valeur de la cargaison de bois. On a donc affaire à des pirates. Et on n'a pas vu ça dans l'Atlantique Nord depuis au moins 150 ans. Mais selon une autre version, ces marins baltes ont été engagés pour sécuriser l'Arctic Sea et le diriger vers un endroit précis. Un rendez-vous? Peut-être. Mais seul le témoignage de l'armateur est pris au sérieux. À la suite du coup de fil qu'il a passé à l'ambassade russe de Stockholm, Interpol est alerté. Mais pourquoi Stockholm? Mystère. Et ensuite, c'est Moscou qui lance un appel à l'OTAN pour l'aider à retrouver le cargo. Pourtant, les Russes affirmeront ensuite qu'ils n'ont jamais perdu la trace de l'Arctic Sea. Il y a aussi une demande de rançon adressée à la compagnie d'assurance russe de l'Arctic Sea. Tout ceci me paraît bien confus. Oui, et vous avez raison. Si les Russes confirment qu'il s'agit bien d'un acte de piraterie, le Bureau maritime international émet par contre de sérieux doutes sur sa réalité. C'est aussi la conviction de l'Union européenne qui devrait être concernée au premier chef puisque le navire est enregistré à Malte, pays membre. Son porte-parole, Martin Selmer, déclare même qu'il ne s'agit pas, selon lui, d'un acte de piraterie traditionnel. Quoi alors? Pour s'agir d'une possible tentative de récupération d'une cargaison illégale. Illégale. Les conclusions alors? C'est la Russie qui va être seule à la manœuvre, même si les pays occidentaux vont suivre attentivement l'évolution de cette affaire qui leur semble bien suspecte. Thank you. En attendant de retrouver l'Arctic Sea, les hypothèses vont bon train. Exemple, avec ce bulletin diffusé par France 24 le 13 août 2009. La thèse de la piraterie fait douter certains experts. Cela n'a pas l'air d'un acte classique de piraterie. Si c'était le cas, où est la rançon ? S'interroge David Hosler, expert auprès de la revue spécialisée Lloyd List. Le spécialiste évoque la possibilité d'une affaire de stupéfiants qui a mal tourné, ou d'un vol de bateau. Vous volez le navire, vous le repeignez et vous le revendez, a-t-il expliqué à l'AFP. Mais le bateau a été construit en 1991. Qui se donnerait tout ce mal pour ça ? Nick Davis, qui dirige la société de sécurité maritime Merchant Maritime Warfare Center, privilégie quant à lui l'hypothèse d'un différend commercial. Le cargo ne transporte pas de marchandises de grande valeur. Je soupçonne donc fortement un différend commercial avec son propriétaire, a-t-il déclaré sur Radio BBC 4. Piraterie ou non, l'important n'est pas tellement là, estime cependant Mark Dickinson, secrétaire général du syndicat de marins Nautilus International. Le responsable souligne avant tout que, au XXIe siècle, il est inquiétant qu'un navire puisse apparemment être aux mains de pirates et naviguer dans les eaux les plus fréquentées du monde sans que l'alerte soit donnée. Ce sont donc les Russes qui vont s'occuper directement de cette affaire vraie ou fausse de piratage maritime. Et tenez, je suis à peu près certain qu'ils ont toujours su où se trouvait l'Arctic Sea. Ce que semblait indiquer là ce journaliste trop curieux. Hein. Les Russes ont donc menti. Reste à savoir pourquoi. Et j'essaierai de répondre à cette question. En tout cas, officiellement, le président Medvedev demande à son ministre de la Défense, Anatoli Serdioukov, de prendre toutes les mesures nécessaires pour retrouver l'Arctic Sea. Ça veut donc dire que Moscou prend l'affaire très au sérieux. En prétextant qu'il s'agit de venir au secours d'un équipage russe. Car la valeur de la cargaison en bois ne nécessiterait pas un tel effort. Sauf que s'il n'y a pas que des grumes à bord de l'Arctic Sea. Bien évidemment, quoi qu'il en soit. Moscou met le paquet, si j'ose dire. Selon les estimations de ce journaliste, décidément bien informé, Mirai Voitenko, ce sont 5 destroyers de la flotte de la mer Noire, dont la frégate de guerre lance-missile Ladné, ainsi que 2 sous-marins nucléaires d'attaque qui sont envoyés à la poursuite de l'Arctic Sea. Oui, c'est effectivement impressionnant. En effet. Et sur ces navires de guerre sont montés des éléments des forces spéciales russes. Oui, les Spetsnaz. C'est ça. Ouais. Mais le 14 août, c'est d'abord un avion de reconnaissance de l'aéronavale française qui repère l'Arctic Sea. Où se trouve alors le cargo ? Il navigue à 400 000 nautiques au nord des îles du Cap-Vert. Et dès le lendemain, 15 août, la frégate Ladny rejoint l'Arctic Sea. Mais là, énorme surprise. Ça n'est plus l'Arctic Sea. Le cargo s'appelle désormais le Jongjin 2. Et il existe réellement un navire nord-coréen de ce nom qui est régulièrement immatriculé. Que s'est-il passé alors ? Il y a eu forcément un maquillage. Oui, parce que c'est vraiment l'Arctic Sea qui a changé de nom. Sans aucun doute. Ouais. Et il navigue sous le contrôle de 8 hommes armés. Ce sont les Baltes là, qui auraient abordé le navire alors qu'il naviguait dans le golfe de Gascogne. Naturellement. Ouais. Alors que vont faire les Russes ? Prendre possession du cargo, bien sûr. Le 17 août, les Spetsnaz présents sur la frégate russe montent à bord de l'Arctic Sea. Et sans qu'un seul coup de feu soit tiré, ils prennent le commandement du navire. La suite, hein ? Le cargo, escorté par la frégate russe, va mouiller à Palmyra, dans l'île de Sal. Ça, c'est une des îles du Cap-Vert. Hein. Car les autorités capverdiennes ont donné leur accord. Mais enfin, avaient-elles les moyens de s'y opposer ? Ça, on peut en douter. À bord de la frégate Ladny, et en présence de l'ambassadeur russe en poste à Praia, la capitale du Cap-Vert, équipage et pirates sont interrogés par une commission d'enquête venue tout exprès de Moscou à bord d'un Ilyushin 76. Ça, c'est un avion de transport militaire. Hein. Qui est suivi par un autre Ilyushin 76. Et s'il s'agissait uniquement d'acheminer une commission d'enquête, ça fait quand même beaucoup. D'où le soupçon que ces 2 gros avions n'ont été mobilisés que pour évacuer la cargaison secrète de l'Arctic Sea. Une simple hypothèse ? Naturellement, parce que tout se serait passé dans la plus grande discrétion et hors de la vue d'observateurs trop curieux. Mais enfin, écoutez la suite. Le 19 août, les 8 présumés pirates et 11 membres de l'équipage sont transférés par avion jusqu'à l'aérodrome militaire de Tchalovski, près de Moscou. 11 marins, mais ils étaient 15, hein, si je me souviens bien. Ah, vous avez raison. Le capitaine, l'ingénieur mécanicien et son second mécanicien, mais aussi le maître d'équipage, sont restés à bord de l'Arctique-Si. Et ils sont rejoints par des militaires russes. Que deviennent les autres, alors? Dès leur arrivée, les membres de l'équipage et les Baltes sont conduits à la prison de haute sécurité de Lefortovo, où ils sont entendus par le FSB. Ouais, ça, c'est le service secret qui a succédé au KGB. Et comme vous le pensez, les informations qui filtrent sont rares et guère fiables. On apprend seulement que les 8 pirates âgés de 30 à 45 ans sont bien originaires des pays baltes et auraient des antécédents judiciaires. Athlétiques, mesurant tous plus d'1m80, ils ressemblent plus à des membres des forces spéciales qu'à de simples repris de justice. On a dit la même chose à propos des membres du premier commando. Ce n'est certainement pas un hasard. En tout cas, en ce qui concerne les 11 marins de l'équipage, l'affaire se termine assez vite. Après une dizaine de jours d'interrogatoire, ils sont autorisés à rentrer chez eux à Arkhangelsk. Mais il leur est interdit de parler des événements qui ont eu lieu à bord de l'Arctique-Si. Et ils doivent même signer un papier. Encore le secret. Et si réellement le cargo ne transportait que du bois, on ne comprend pas. Dans le même temps, les autorités russes s'empressent de déminer l'affaire. Le 20 août, le ministre russe de la Défense déclare qu'aucun chargement suspect n'a été trouvé à bord de l'Arctique-Si, mais que pour les besoins de l'enquête, le navire a mis le cap sous escorte vers la base navale de Novorossiysk, sur la mer Noire, sauf que le cargo n'arrivera jamais là-bas. Pour quelle raison? Les Russes ont soudain changé d'avis. L'Arctique-Si se dirige maintenant vers Las Palmas, aux Canaries, où sa cargaison de bois doit être déchargée. Mais décidément, rien n'est simple. Des complications. Oui, la présence à bord de l'Arctique-Si de plusieurs militaires russes lui enlève son statut de navire marchand. Les autorités espagnoles demandent donc au capitaine de quitter leurs eaux territoriales. Et où va l'Arctique-Si? Il fait route vers le port de Béjaïa, en Algérie. C'était sa destination originelle. C'est exact. Mais les Algériens lui refusent également l'accès à leur port. C'est bizarre, non? Je suis d'accord. Ce navire semble vraiment maudit. Il reste donc plusieurs jours au large de Gibraltar à faire des ronds dans l'eau. Puis un accord est finalement trouvé avec les autorités maltaises. Et c'est à Malte qu'il est immatriculé. L'Arctique-Si rejoint très tardivement, le 29 octobre, La Valette, son port d'attache. Mais notez bien qu'auparavant, les autorités maritimes locales se sont assurées qu'il ne transporte aucune substance radioactive ou toxique. Oui, le soupçon toujours, à propos de son autre cargaison. Oui, mais si elle a existé, il y a longtemps qu'elle a disparu de l'Arctique-Si. Et qu'elle a été récupérée par les Russes. Et d'ailleurs, même à Moscou, on n'en fait plus vraiment mystère. Le chef des investigateurs russes, Alexander Bastrykin, déclare même ne pas exclure le fait que l'Arctique-Si ne transportait pas que du bois. Pour autant, le sujet demeure sulfureux. Ce journaliste très curieux, dont je vous ai parlé, Mikhail Voitenko, reçoit des menaces de mort par téléphone. Et ses coups de fil sont si convaincants que le journaliste fuit la Russie et se réfugie en Turquie, puis en Thaïlande. Il a peur, Mais est-ce que les autorités maltaises essaient elles-mêmes de mener une enquête? Oui, une inspection du cargo a eu lieu. Mais Moscou a très vite manifesté son mécontentement. D'autant que les Russes avaient déjà vu d'un mauvais œil le contrôle du bateau avant que l'Arctique-Si ne soit autorisé à entrer dans le port de La Valette. Les autorités maltaises se sont donc bien gardées de poser des questions sur la disparition du navire pendant 17 jours. Et l'Arctique-Si, remis officiellement à son armateur, a été autorisé à reprendre la mer. Vous avez parlé du sort des membres de l'équipage, mais les pirates, ou prétendus tels? Ils ont été jugés près de 2 ans après les faits. Quoi, pour détournement de navire, piraterie et même escroquerie. Et ces marins estoniens et lituaniens n'ont pas eu un procès équitable, c'est le moins qu'on puisse dire. N'entre pas dans les détails, mais les accusations du procureur n'ont été étayées que par les témoignages de l'équipage. Des témoignages qui n'ont pas vraiment été spontanés. D'ailleurs, les observateurs présents lors des audiences n'ont jamais pu parler avec les marins de l'Arctique-Si. Et ils ont eu l'impression que tout était joué d'avance. Ces Baltes ont été condamnés. Oui, et assez lourdement, puisqu'ils ont écopé de 7 à 12 ans d'emprisonnement. C'était des boucs émissaires? J'en suis persuadé. Le frère de l'un de ces pirates, Alexei Baltinov, a expliqué quel avait été le véritable rôle de ces prétendus pirates. Le travail de son frère, Dimitri, a-t-il dit, était d'assurer la sécurité sur les cargos en haute mer. Quelques jours avant que ne disparaisse provisoirement l'Arctic-Sea, il a été recruté par un certain Savine pour se charger de la protection d'un cargo. L'Arctic-Sea, en l'occurrence. Oui, Baltinov et les autres n'ont reçu leurs instructions qu'au dernier moment. C'est-à-dire l'ordre d'aborder le navire. Et d'y monter, avec comme règle absolue de bien se conduire avec l'équipage. Et ces braves marins ont eu simplement l'impression de faire leur boulot d'agent de sécurité, comme ils l'avaient déjà fait sur d'autres bâtiments. Ouais. Alors, il est peut-être temps d'évoquer la mystérieuse cargaison de l'Arctic-Sea et les ressorts obscurs de cette affaire. Ce qui me conduira à vous expliquer pourquoi, alors que l'Arctic-Sea venait tout juste de réapparaître le 19 août, le président israélien s'est précipité en Russie pour rencontrer son homologue russe. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans le Monde du 10 septembre 2009, la correspondante du journal à Moscou résume bien les inévitables questions que pose l'affaire dès qu'elle a été connue. Si l'Arctic-Sea transportait bien du bois de sciage, comment se fait-il qu'il ait été la cible de pirates? Pourquoi l'État russe a-t-il déployé de tels moyens? Mise en alerte de 2 sous-marins, mobilisation de 3 vaisseaux militaires, coopération avec l'OTAN. Pour sauver une cargaison de bois estimée au bas mot à 1,3 million de dollars. Enfin, pourquoi les marins rapatriés, 11 des 15 membres de l'équipage, ont-ils été placés au secret sitôt leur arrivée à Moscou? La façon dont les membres de l'équipage ont été interdits de contact avec la presse après avoir été libérés ne fait qu'ajouter au mystère. Le 20 août, les 11 marins et les 8 présumés pirates de l'Arctic-Sea étaient ramenés à Moscou par 3 Ilyushin 76 des avions de transport militaire capables de convoyer 40 tonnes de chargement chacun. À l'évidence, ces appareils transportaient autre chose que les marins. Les pirates et leurs bagages, sans aucun doute, ces gros porteurs avaient à bord la mystérieuse cargaison de l'Arctic-Sea. Une fois celle-ci à l'abri, les enquêteurs ont pu se mettre au travail. Il ne restait plus que du bois. Alors pourquoi ce voyage de Shimon Peres en Russie? Voyage qui sera ensuite suivi d'un déplacement secret à Moscou du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, venu rencontrer Vladimir Poutine. Ouais. Donc, alors, les Israéliens, d'une façon ou d'une autre, ont été mêlés à l'affaire de l'Arctic-Sea. C'est certain. Alors, voyons ça de plus près. À l'origine, il y a une information capitale que s'est procurée le Mossad. Des missiles russes S-300, de redoutables armes anti-aériennes, devraient bientôt être livrées à l'Iran. Quoi, au terme d'un contrat commercial légal? C'est là toute la question. Car s'il semble bien que les dirigeants russes et iraniens ont conclu un accord sur ce point en 2008, Poutine aurait eu la volonté de geler le contrat un peu avant son exécution. Pourquoi alors? Il me faut vous parler des relations entre Israël et la Russie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les deux pays entretiennent de bons rapports commerciaux. Et ils ont même signé des accords de coopération en matière de recherche technologique militaire. Peut-être, mais quand Moscou arme l'Iran, j'imagine qu'à Jérusalem, on doit voir rouge. Uniquement quand il s'agit d'armements très sophistiqués. Les deux pays se sont même accordés pour limiter leur livraison d'équipements militaires dans les zones qu'ils estiment sensibles. Comme l'Iran pour Israël. Et la Géorgie pour la Russie. Car on le sait moins, mais lors du conflit de 2008 entre Tbilissi et Moscou, les Israéliens ont livré à la Géorgie des drones et des systèmes d'artillerie. Est-ce qu'il y a des pluies à Moscou, hein? Forcément. Et c'est pourquoi les deux États ont mis de l'eau dans leur vin et conclu un gentleman's agreement. Israël a promis de ne plus fournir de matériel militaire stratégique à la Géorgie, tandis que la Russie s'est engagée à ne pas honorer son contrat passé avec l'Iran. Ouais, c'est-à-dire la fourniture des S-300, là. Alors, bon, donnant-donnant, donc. Alors, à partir de ces données, on peut envisager plusieurs scénarios pour expliquer la curieuse aventure de l'Arctic-Sea. Mmh. Allez-y, je vous écoute, là. Le premier pourrait être celui-ci. Quand un État veut honorer une promesse sans pour autant nuire à ses intérêts commerciaux, il peut user de subterfuges. Mais par exemple, hein. Il peut toujours utiliser des filières obscures ou encore demander à ses services secrets d'organiser un trafic clandestin. Ouais, de ne pas être pris la main dans le sac. Dans cette hypothèse, Moscou ne veut pas rompre l'accord passé avec Israël. Mais en même temps, le Kremlin veut vraiment vendre ses missiles à l'Iran. Pour ce faire, les Russes imaginent une exportation clandestine. Les missiles sont disposés dans les soutes de l'Arctique Sea lorsque le cargo fait escale à Kaliningrad. Et c'est le FSB qui supervise l'opération. Puis les grumes, chargés en Finlande, dissimulent la cargaison clandestine. Ouais, mais il y a un os. Oui, le Mossad a eu vent de la combine. Et ce sont ses agents qui montent à bord de l'Arctique Sea lors de sa traversée de la Baltique. Les Israéliens n'ont aucun mal à découvrir les missiles. Ils les photographient et ensuite les documents sont envoyés à Moscou. On en est bien embarrassé. Mais bon prince, pour que les Russes ne perdent pas la face, les Israéliens proposent à Moscou de mettre en scène cette fausse disparition du cargo. Et son prétendu détournement par des pirates baltes. Et finalement, les Russes récupèrent leurs missiles au Cap-Vert. Toutefois, on peut aussi imaginer une autre explication, un peu plus tortueuse. L'exportation des missiles aurait pu s'effectuer à la barbe des autorités russes. Illégalement donc. Et à l'initiative de groupes mafieux qui auraient traité directement avec la société Almaz-Antey, qui fabrique les missiles S-300. Cette entreprise aurait ensuite organisé le transport des armes sur l'Arctique Sea, qui navigue sous pavillon de complaisance. Et je crois vous l'avoir dit au début de cet entretien, la base de Kaliningrad était le lieu idéal pour permettre ce genre de trafic. Ouais, je vais bien vous croire, mais d'une part, ces missiles ne doivent pas passer tout à fait inaperçus, et puis d'autre part, il doit exister en Russie un organisme de contrôle. Oui, Rossoboronexport, c'est-à-dire l'agence chargée des exportations du complexe militaro-industriel russe. Un organisme créé par décret par le président de la Russie, Vladimir Poutine, en 2000, et qui est dirigé par un certain Sergueï Tchemezov. C'est un personnage proche des services de renseignement russes et qui est, par ailleurs, un ami de Vladimir Poutine. Et ce marché clandestin aurait pu échapper à sa vigilance ? Pourquoi pas ? Et puis en Russie, il y a toujours des arrangements possibles. Les pots de vin. Évidemment. Quoi qu'il en soit, le scénario est ensuite celui que j'ai déjà décrit. Les Israéliens bénéficient d'une fuite. Leur commando du Mossad, arraisonnant l'Arctique Sea en pleine nuit, découvre que le cargo transporte bien des missiles à destination de l'Iran. Le Kremlin est averti et le couteau sous la gorge, les dirigeants russes doivent en toute hâte mettre fin au trafic sous peine de rompre l'accord qu'ils ont négocié avec leurs homologues israéliens. Ce qui explique qu'ils lancent une véritable armada à la poursuite de l'Arctique Sea. Mais alors, quel aurait été le rôle de ces marins baltes là, qui montent à bord de l'Arctique Sea et sont ensuite présentés comme des pirates? Bon, ça c'est de l'habillage, si je puis dire. Mais soyez plus clair. Il faut bien justifier l'extraordinaire mobilisation de la flotte russe. Un acte de piratage maritime avec demande de rançon peut l'expliquer. Même à cause de la faible valeur de la cargaison de bois? C'est vrai que ça semble disproportionné, mais il y a l'équipage russe qu'il faut sauver des mains des pirates, en tout cas. Ce scénario met en lumière le rôle des marins baltes qui, dans cette histoire, ont été purement et simplement manipulés. Par les services secrets russes? Vraisemblablement, ce sont eux qui ont recruté ces malheureux et les ont missionnés. Ouais, des boucs émissaires, avez-vous dit. Ça me semble évident, et cela dans les deux scénarios que j'ai décrits, et même dans le troisième. Ah, encore une autre explication? Oui, et certainement la plus vraisemblable. Alors expliquez-vous. Volontiers. Je vous l'ai dit, Russes et Israéliens ont conclu un accord fin 2008 au début 2009. Moscou renonce à fournir des armes sophistiquées à l'Iran, tandis que le gouvernement israélien s'abstient de continuer à équiper militairement les Géorgiens. Mais il y a un hic. Quoi ? Mais il existe un contrat en bonne et due forme passé préalablement entre la Russie et l'Iran. Ouais, sur la livraison de ces missiles S-300. En effet. Et si les Russes sont résolus à ne pas l'honorer, ils ne peuvent pas non plus se fâcher durablement avec Téhéran, qui est un partenaire commercial et diplomatique important. Alors, comment faire ? Eh bien, Israéliens et Russes vont imaginer de conserve cette opération ébouriffante de l'Arctique Sea, une véritable mise en scène. En apparence, Moscou respecte le contrat passé avec Téhéran. Les missiles sont chargés à bord du cargo et doivent être livrés à l'Iran. Mais le Mossad intervient. Les Russes sont apparemment coincés. Et l'affaire se termine en eau de boudin. La marine russe doit organiser la récupération des missiles et leur rapatriement. Bref, les Israéliens ont donné un coup de main aux Russes. Qui ne sont plus responsables de l'échec, donc de la livraison des missiles à l'Iran. Bien sûr, je simplifie à l'excès, car cette affaire a dû donner lieu à des multiples tractations entre Moscou et Jérusalem. Et ça explique les voyages de Shimon Peres et Benjamin Netanyahou ? Je le pense. Mais les Israéliens, qui usent lorsqu'il le faut d'arguments frappants, ont aussi prouvé qu'ils attachaient une grande importance à cette affaire. Mais que voulez-vous insinuer, là ? Ils envoyaient un message sanglant aux fabricants des missiles S-300, histoire de les dissuader à tout jamais de livrer leur précieux matériel à l'Iran. Un message sanglant ? Oui. Le 30 juillet, au beau milieu de l'aventure de l'Arctic Sea, alors que le cargo allait disparaître, le responsable des exportations de la firme Almaz Antel... C'est-à-dire le fabricant de missiles, hein ? Oui. Eh bien, ce dirigeant, un nommé Barabenko, a été assassiné à Moscou alors qu'il allait monter dans sa voiture. Et bien sûr, le tueur n'a pas été retrouvé. Et vous pensez que le Mossad... Vous savez bien, M. Peynaud, qu'on ne prête qu'aux riches. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission. Adrien Cara et Rebecca Denant ont préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Billou et mis en musique par Monsieur Djoube. Et tout de suite après le flash, CO2, Mon amour de Denis Chessou.